CFOU 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Laurent Constantin viendra nous jaser d'une dernière fois l'actualité dans Voyage au centre du campus. On écoutera de la musique pour peut-être étudier dans le temps des fêtes avec Maxime Tanguay. On apprendra des choses dans C'est un fait. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 16 décembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Qu'est-ce que cette face? T'as avalé du café trop chaud? Très chaud. C'est ça, hein? Ça t'apprendra. Ouais, je pense que je me suis brûlé un petit peu la langue. T'es pressé un peu? Ouais. Comme nous, on est pressé à passer les 8 prochaines heures d'émission Assemblage requis pour le reste de la semaine. Après ça, c'est fini pour le congé des fêtes. Ouais, après ça, on va aller... congeler les fêtes. On va aller congeler les fêtes. On va aller congeler les fêtes. Se décongeler les fêtes, tu sais. Oui, c'est les... Ouais, c'est ça. Les... mes petites boules lint. Oui, exact. Dans le pantalon. Oui, les... au lait. Au lait. Au lait! Au lait! Caramba! Donc, bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Passez une belle fête de semaine. Très belle. Oui, dernière fête de semaine avant le congé. Tout le monde le sait, là, ça s'en vient. Il reste pas grand temps. On compte les dodos d'ici le congé des fêtes, dépendant combien vous en avez de jours. Il y a des gens qui... Ouais. T'sais, mettons que nous, on est à 4 dodos du congé. Oui. 3-4 dodos du congé. Alors que les autres qui ont très peu de congés sont à 3-4 dodos de commencer à entendre dire qu'il y a des congés ailleurs puis que les sont vraiment jaloux. Puis qu'eux, ils n'en ont pas. La haine va commencer dans 3-4 jours. Ah ouais, la haine du temps des fêtes, hein? C'est ça. La fameuse tradition. Comme on dit. Oui. Enjoy. Enjoy. Hey, ça commence-tu fort? Hein? Celle-là était parfaite. Écœurant. On coupe l'émission-là. Fini! On va pas aller se reposer tout de suite. J'ai acheté du lait de poule en fin de semaine. Oh, ça y est! Dans son... Toujours pas sûr. Le... Lait de poule! Toujours pas sûr d'aimer ça. Non, toujours pas sûr. On dirait que... Une fois par année, moi, t'es toujours pas convaincu. Je boirais pas la moitié de ça. Qu'est-ce qu'on voulait faire avec ça, du lait de poule, donc? Des drinks? Pas seulement. Probablement que tu m'as mis un petit peu dans ton café, tu vois? Non, c'est dégueulasse dans le café, je sais pas pourquoi. Ah, ok. Peut-être donc ça a déjà été essayé. Ouais, ouais, en fin de semaine avec ah, oui. Et glace. Ah, et puis tout, puis tout. Ouais, non. Ah! Désolant. Ouais. Ben, j'ai peur un peu de réessayer ça. Tu m'as dit, ben on en a déjà parlé, je me souviens encore une fois plus si c'était en onde ou pas. Mais j'ai un très bon souvenir de ça, mais ça fait vraiment longtemps. C'est extrêmement sucré, tu sais. Oui, ça je me souviens que c'était très sucré, mais j'étais jeune, je sais pas si... Faut que je réessaye. Ok. Oui, on avait dit qu'on en amènerait en studio. Oui, c'est hors du studio, juste à côté du mur du studio. Oui, c'est ça. Boire, c'est marqué juste... Oui, mais on aurait plugué des micros à l'extérieur. Ok, excuse-moi, ouais, on aurait fait un setup. Ok. Organisé pour ça. Oui, oui, oui. Super, j'ai hâte. Avec tout le monde. Tout changé, c'est ça. Bon, hey. Donc, aujourd'hui à l'émission, JP, on va voir à 8h30 Laurent Constantin. Oui, qui vient une dernière fois. Oui, malheureusement. Sa chronique Voyage au centre du campus et il nous abandonne pour un stage outre-mer. Là. Quelle excuse bidon. J'ai aucune idée. Ouais, bidon à mort. À 9h, on aura Maxime Tanguay. Quelle excuse bidon. Oui, quelle excuse. Oh, non, excuse-moi, je l'ai plus à la mauvaise place. Son excuse d'exister, là, vraiment bidon. Donc, Maxime Tanguay à 9h, de la musique calme, instrumentale souvent, ou sinon très ambiante. Peut-être pas pour étudier, mais tu sais, ça peut servir à d'autres choses. Hein? Tout ce que tu veux. Pour emballer des cadeaux. Ben oui, les déballer. Acheter des cadeaux. Ben oui. Retourner des cadeaux. Non, ça prend de la musique... Trash. Pas trop, non? J'allais dire inexistante, genre. Parce qu'il faut pas que t'hésites à entre les mettre dans la poubelle ou les retourner, tu sais, de la musique trash. Genre, oh, trash, oh, c'est bon. Ouais, peut-être. Oui. Non, il y a des magasins de nos jours qui n'ont pas de musique de fond et je trouve ça tellement le fun, genre. Des magasins, moi? Chez Target. Ah oui, il n'y a pas de musique de fond. Ah non? C'est le fun. Ben. Imagine comment c'est pas stressant. Ben non, c'est pas stressant. Sauf en même temps, tu dois faire le saut quand il y a la petite madame, elle dit allez, quatre! Donc voilà pour le plan d'aujourd'hui. Autour de ça, c'est un fait et le restant des instructions d'assemblage qu'on a fait jeudi. Oh yeah! Mais on va débuter avec notre ami Claude Pelgag. Une petite chanson qui s'appelle Rayon X. On va écouter ça. Right now. Ton fabreux laser sur mon rayon X fait briller mes cristaux dans ta chambre noire. J'ai découvert ma fluorescence et le puits de lumière qui brûlait nos peaux. expires dans mon éprouvette, comme tu sais me garder en haleine. Et ton prix d'appel sous mon microscope ressemble à une reine qui se téléporte. Difficile de l'avouer, j'aime tout ce qui se mange. La science est une orange. Je prends le pouls de tes ongles, je vais les promener dans les champs magnétiques où nous aimons graviter. Fouiller ma salive, parer le radium dans la maladie. Depuis que nos lits se font la leucémie. J'ai couvert tes yeux de mon baume hypnotique. Tu vas retrouver Dieu dans ton diagnostic. C'est lui qui te fait mal quand il te crache son eau bénite avec son sabre laser, rayon X. J'ai couvert tes yeux de mon monde hypnotique. Tu vas retrouver Dieu dans ton diagnostic. C'est lui qui te fait mal à toute façon. Avec son sabre laser, rayon X. Claude Pelgag et la pièce Rayon X à Assemblage requis. Jean-Philippe. Oui, Mathieu. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Es-tu, sens-tu ton cerveau prêt? Je suis toujours prêt. Toujours prêt. Toujours prêt. Pour avoir de l'information. Ben? Non, on est quand même un petit peu plus sur la blague de là. Vas-y oui. En premier, vas-y. J'ai dit moi pour recevoir de l'information quand tu veux. OK. Moi, j'ai fait une blague d'érection de cerveau. Pour avoir une érection de cerveau quand tu veux. C'est ça. Voici, c'est un fait. Oh, c'est dur. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Oui. C'est pas la chronique sexy. Non. Ça, c'est le mardi. Oui. À vos tucs. À vos tucs? Le bout du... OK. Commençons avec la personne moyenne. Ça va rester très sexy. Il y en a qui ont le fétiche de ça. Là, mais combien de fois par jour est-ce qu'on flatule, tu crois? Oh! Combien de fois par jour? Oh. Une ou deux. Non! 14! 14 000 fois! 14 flatulences! Wow! Ouais. OK. À la place de silence dans une bibliothèque, ça va être flatulence. Flatulence. Oui, mais je suis déjà rendu à 14. Mon quota est atteint. Ouais. La pluie fantôme, Phantom Rain, c'est un phénomène naturel où la pluie s'évapore avant même d'arriver au sol. La pluie fantôme, il pleut d'en haut, mais en bas, il y a pas grand-chose sur le plancher. Incroyable. C'est le fun quand même. Hein? Oui. Mm-hmm. Ah, oui. J'ai jamais vu ça. Moi non plus. Il faut qu'il fasse chaud, j'imagine. Sûrement, il faut vivre dans d'autres pays que le Canada. Que l'Est du Canada. Une iguane peut retenir son souffle pendant 28 minutes. OK. Intéressant. La prochaine fois que j'en vois une, je vais lui dire. OK, on fait un concours. 1, 2, 3. T'as-tu déjà vu une iguane? Non, jamais de ma vie. Ah, c'est pas très... Ça bouge pas beaucoup. Non. Si elle gagne un concours de pour retenir son souffle, ça ferait Jean-Philippe 0, Ig 1. Egg 1, Egg 1. Wow! Un point. Oui, c'est excellent. Blague anglophone. Avoir la chair de poule, c'est pas le fait que t'as des bosses sur la peau, OK? Ça ne crée pas de bosses sur la peau. Ce que ça fait, c'est que la peau autour va se compresser. Donc, c'est dans le fond, c'est... T'as les dessus de la chair de poule, c'est ta peau à l'état normal et les petits. Ah ouais, ok. Les genres de vallées. Oui. C'est ce qui se compresse. Hey, ouais, ok. Oui, je comprends. Ouais, ouais. Dur à dire. Hein. Mais quand même, c'est. Mettons qu'on joue à Cranium, là. Ouais. Ça aurait été tout de suite. Chair de poule. Puis là, tu me dis compresse, la peau compressée. En 2008, les condoms Lifestyles ont essayé de recruter Miley Cyrus comme porte-parole. OK. Ça n'a pas fonctionné. 2008, elle devait être jeune pas mal, hein? Quand même. Il est rendu quoi début 20 ans? Il était visionnaire. Ouais, hein? Il y avait des visions de fantasmes, je pense, plus que d'autres choses. La plus grosse cave du monde. Espèce de cave! C'est celle de Batman. Ah oui. Elle a été découverte seulement il y a 4 ans. On pourrait construire un gratte-ciel de 40 étages à l'intérieur de cette grotte-là, tellement elle est haute et profonde. Wow! Pas pire. Est-ce que ça dit c'est où? Non. Ah, oh, c'est dommage. Ouais. Mais non. Le plus gros diamant du monde était assez gros pour créer 2633 bagues de fiançailles de grandeur moyenne lorsqu'il a été trouvé, découvert en 1905. Le plus gros diamant du monde, ça dit-tu où il vient? Non. Sûrement de la cave de tantôt. Oui, j'imagine juste le gars qui l'a trouvé. Ouais. Il doit avoir quelqu'un qui l'a trouvé, ce diamant-là. C'est comme « Oh! » Tu sais, il était tout avec sa petite puisette là, dans les coquillages, là, en train de chercher des petits morceaux d'or. Puis là, il est tombé sur un méchant gros diamant. Ah, moi, je pense que j'aurais capoté. Chanceux. Hein? Ouais. Ouais. En tout cas, à l'intérieur de moi, je suis fébrile. Sur ça, là. Tu voudrais te fiancer 2633 fois. Ouais, je serais prêt. Ça. Les scientifiques essaient de trouver un médicament qui réduirait le taux d'alcool dans le sang, qui pourrait être utilisé pour rendre les gens sobres après une très courte période de temps. Donc, t'es sous, tu pourrais prendre une pilule, puis ça te remettrait à jeun. Oh! Les scientifiques cherchent ça. Ouais. C'est cool. Mais c'est cool, mais en même temps, t'imagines les problèmes que ça peut faire? Oui, puis il faut pas te mélanger avec de l'alcool. Ben non! Elle est bonne. Tu t'en mets ça. Ouais. Ouais. L'homme qui a fait la voix de Tigrou. Tigger? Ouais. Patrick Grou? Non, c'est pas ça. Tigrou? Non, c'est pas Patrick Grou. Non. Non. Donc, la voix de Tigrou a aussi aidé à créer le premier cœur artificiel. Oh. Ah, boing, boing, boing, boing, boing. Ça doit être à cause de la queue qui rebondit. Ça doit être ça. Les lettres KGB, sais-tu ce qu'elles veulent dire? Je te donne deux chances. Okay. Merci Mathieu. Ça fait plaisir. GB, bureau. Le B, c'est bureau. Bureau, sûrement. G, c'est groupe. OK. Puis K, c'est quoi là? Quoi? Wow! Tu vois, j'aurais jamais... Non, peut-être pas. Donc, on appelle ça le comité de la sécurité de l'État. Ouais. Committee for State Security. Le KGB veut dire Committed Gesundheitsvnei Bezopasnoti. Ah, ben, tu vois. C'était à ça de l'avoir. J'étais à ça. À ça. À ça. Si près, mais en même temps si loin. Tellement. L'ornithorynque mâle. Ornithorynque, platypus en anglais. Un venin assez puissant qui peut tuer un petit chien. Il peut causer des douleurs extrêmes chez les humains. Oh! Platypus. Ben oui. Mm-hmm. Je vais m'y méfier maintenant. C'est ça. La première casquette de baseball était faite de paille. Ah, oh, c'est un chapeau de paille. Pas les pailles à boire, là. Ça, c'est pour la bière. Ça, ça existe, ça? Oui, c'est un chapeau à bière. Ouais. Les casquettes que tu mets deux canettes à côté. C'est tellement beau. Oui, c'est beau. Je te vois vraiment avec ça, père. Ben écoute, peut-être demain. Peut-être. Avec du lait de poule, là, du café de l'autre. Courant les bois. Le nez, le museau de lion est comme une empreinte digitale. Il n'y a pas deux lions qui ont le même, pattern okay. de moustache et de nez. Wow! Mmh. Mais en même temps, c'est un peu plus difficile de leur dire, ouais, juste, tu prends le museau, tu le mets dans l'encre. C'est le temps, tu dis, ah, je pense que c'est vous, monsieur. Puis en plus, c'est comme un félin, fait qu'il veut te frotter sa tête contre ton corps, ouais. comme un chat. Moi, ouais, pareil. Fait que ça te met plein d'encre partout. Maudit, c'est un vrai fléau, ça aussi. Un flion. Oh. Un flion. La plus longue durée okay, que quelqu'un a écrit à la machine à écrire, la dactylo, okay, en continu, 264 heures de long. C'est Violette Gibson Burns qui l'a. Wow. Encore, mais est-ce qu'elle écrivait des choses de pertinentes? Sûrement. Des mots. C'est... J'imagine qu'il y a un critère qu'il faut écrire des mots. Ouais, c'est ça. Enter. Gaspille du papier sans cesse, enter. C'est juste espace, là. Elle écrit absolument rien. Je crée le vide. C'est tellement genre poétique, tout ça. Hein? Ouais, vraiment, là. Ouais. Je me sentais hipster au bout. Toutes les lignes riment. La durée de vie d'un écureuil, c'est environ 9 ans. Pourquoi pas? Il garde des vies dans ses bajoux. On s'en est à la même place. Ouais. Hein, c'est ça. On l'a sur la face. La plus récente sorte de chien, c'est le Bull Boxer. Le Bull Boxer? Bull Boxer, qui était amené aux États-Unis en 1990. OK. Bull Boxer. Qui est un mélange de Bulldog et de Boxer. Sûrement. Oui, c'est ça. D'habitude, ils ne sont pas très originaux dans les noms de chiens. Mélangé avec un lutteur, ce serait pas pire. Il y a un peu de kangourou, genre, dedans. Oui, oui. Ou encore mélangé avec une paire de babettes, de Boxer. De Boxer, ah oui. Tu le vois courir, puis... Sa petite fente en avant qui a un bouton pour pas crier. Le nom Wendy. Prénom Wendy. Oui. On connaît tous une Wendy. Ben, je connais Wendy's. Oui, exactement. Donc, le nom Wendy a été inventé, en fait, pour le livre Peter Pan. Ah oui. Peter Man, le célèbre oui. super-héros Peter Man. Peter c'est Man. Le gars des griffins qui vole. C'est Peter Man. OK. Oui. Donc oui, ça a été inventé pour Peter Pan. Il n'y a jamais eu aucune Wendy avant. C'était inventé pour ça. Incroyable. Mais vrai. Mais vrai. Puis les restaurants? Ah, sûrement que c'était inspiré par ça. Parce que la fille, je pense, de l'inventeur de chez Wendy, s'appelait Wendy, il me semble. Je pense pour ça. Oh. Sa nièce ou sa fille. Okay. Ouais. La créature qui crie le plus fort sur Terre, c'est la baleine bleue. Un record de 188 décibels. Wow. Mmh. Oh! les lettres les plus communes de la langue anglaise, dans le fond, sont le RSTLNE. Vous connaissez peut-être cet ensemble de lettres. C'est ceux qui sont celles qui sont utilisées dans La Roue de Fortune, l'émission Le Quiz Télé. On te donne les lettres RSTLNE dès le départ parce que c'est les plus populaires. Ah, pour de vrai? C'est vrai, parce que tu peux acheter des voyelles, des consonnes. OK. Mm-hmm. Et je tourne la roue. Oh. Arrêtez dans le milieu, je trouve. Oui. Arrêtez sec. Jigaloo. Ouais. Le seul mot en anglais qui finit par les lettres MT, très très rare, c'est dreamt, le passé de rêver. Dreamt, D-R-E-A-M-T, c'est très rare. Travailler dans une pièce où il y a le désordre, ou sur un bureau en désordre, ça va améliorer la créativité des gens et ça va les aider à résoudre des problèmes. OK. Donc, le désordre. Mais c'est sûr, t'en as tellement. Genre, qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon? Fait que là, t'es comme, OK, je vais résoudre un problème. Ah, j'ai trouvé mon crayon. Problème résolu. Et de un. Lorsque lancé, une balle moyenne de la Ligue majeure de baseball va tourner 15 fois avant d'être frappée. OK. Mais ça arrête entre les deux. C'est le fun maintenant, les slow-mo là, qu'ils font. Oui. Tu peux compter ça. Mais oui. Non, mais oui. Puis tu vois la balle se déformer. C'est beau. Oui. C'est beau. Un Mississippi, deux Mississippi, trois Mississippi. Le signe d'infinité. Hein? Le 8 à l'envers. Le 8, si on veut. ou la patinoire sur le côté. Oui. C'est un lemniscate. Lemniscate. En anglais. En français, je pourrais pas te dire. Lemniscate. Je vais même chercher voir s'il y a... Parce que l'autre fois, on m'a dit qu'il y avait... C'est le chat de Lemni. De Lemni. Lemniscate. Yes, vraiment. En français, c'est le lemniscate de Bermouli. De Bémouli. De Bémouli. Bémouli. Ça porte le nom du mathématicien et physicien suisse Jacques Bémouli. Bémouli, coudonc, c'est vraiment écrit petit. C'est-tu Bernoulli ou Bémouli? Bernoulli, c'est un R puis un N, mais mis ensemble, ça ressemble à un N tout le temps. Des petites Bémouli. Des Bémoulus. Ah oui, c'est comme le petit bonhomme de neige. Bémouli, Bémouli. C'est Bouli, ça. Ah non. Non, avec le petit... On a un malaise. You! L'alphabet hawaïen a seulement 12 lettres. OK. C'est cool comme ça. L'appel, tu sais, le cri pour attirer les femelles, mais pour le mâle du crapaud. Non, c'est, non, les animaux attirent des femelles, pas des femmes. Ouais. C'est ça, t'avais pas spécifié. J'avoue, hein. Ça portait à confusion pendant quelques instants. Oui, pendant quelques instants, ouais. Je me demandais où ça pouvait aller, tout ça. Donc, le cri du crapaud mâle. T'es chicks! Check me pipe! Je bench 400! Oh, wow! Oui, excusez. OK, recommençons. Ça valait la peine. Oui, merci. Le cri du crapaud mâle quand il est sous l'eau est tellement puissant qu'on peut l'entendre, nous, les humains, okay. À l'extérieur de l'eau. Wow! Ben, c'est pour ça que ça réveille tout le monde, ça. Lors de l'eau. Comment t'es mis ton crapaud sous l'eau? C'est pire qu'une vieille tondeuse qui démarre pas. On serait dû pour prendre la moitié de la chronique ici, mais... On peut faire ça. On peut faire ça. La question de... d'essayer de s'en remettre. Ah ouais. Tu sais, genre, pour les bateaux, il y a oui. aussi des cris. On attire les femelles bateaux. J'ai entendu quelqu'un tousser de très, très, très loin dans le studio. Je sais pas si ça va bien. Voici Fog and the Horn par Hot Springs. Ça, c'est tout. My protein. Hot Springs et Fog and the Horn à Assemblage Requis. Mm-hmm. Mm-hmm. Au retour, plus de C'est un fait. Oui. Et les instructions d'assemblage. Ah, oh, wow! Quel beau lundi tu me donnes, Mathieu. Moi, pas de spécial. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. C'est fou. 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Requis. On se lundi matin, 16 décembre 2013. Jean-Philippe Charbonneau. Mathieu Plante. Oui, dernière semaine, comme on va le dire sans cesse, parce qu'on est excité par la fin de la session. Oui. Mais sachez qu'il va quand même y avoir Assemblage Requis pendant toute la période des fêtes. Disney de con aussi continue. On a des émissions spéciales, des meilleurs moments. Ah, écoute, il va y avoir plusieurs choses. Oui, oui, plusieurs, facilement, là, plusieurs choses, quelques-unes. Oui, plusieurs choses. Un nombre... indéterminé, mais existant. On va avoir trois choses. Bon. Trois choses, mais on s'en reparlera. On s'en reparle. Pour l'instant, on va continuer avec la deuxième partie de C'est un fait. Oui! Toujours dans cet effet, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Savais-tu, Jean-Philippe, qu'une balle de baseball passée au micro-ondes va voler? Oui. Va voler plus loin qu'une balle de baseball congelée. Ah ouais, OK. Ça va voler plus loin. Incroyable. Mais t'imagines, le lanceur, il va avoir l'air fou avec son petit micro-ondes à côté. <C'est ça. rire> Ou de l'autre bord en train de prendre de la drogue, comme tous les maudits joueurs. Parce qu'il est gelé. Ben oui. C'est ça. Il est gelé, balle gelée. Oui, c'est ça. Il est balle gelée. Balle gelée. Et ratatiné. Oui, à cause des stéroïdes. Ouais. Le nom de bateau le plus populaire, qu'est-ce que c'est? Queen. Queen, ça n'arrêtait pas pire. Le SS Minot. Le Elisabeth. Oui. Quelque chose. Le Love Boat. Oui. Le. C'est sûr que c'est un prénom, là. Non, c'est pas un prénom. Non. C'est un nom même commun. Dans le dictionnaire, je te parle. Un nom commun. Un nom commun? Pas un nom très commun comme Jean-Philippe, maintenant. Mais c'est un nom de quelqu'un. Non. Ah. Mais c'est un nom commun. Parce que ça, c'est un nom propre, le nom d'une personne. Oui. C'est ça. Mais c'est commun. Même si Jean-Philippe, c'est pas très propre. Hein? Mais c'est commun. Oui, c'est commun. Je sais pas. C'est Obsession. Oh. On dirait un nom de parfum, mais c'est un nom de bateau. Oui, vraiment, hein? Oui. Obsession. Par Calvin Klein. Oui. C'est assez. Il y a beaucoup d'annonces de parfums. De parfum. Ah, c'est Noël, hein? C'est oui. Les fêtes. C'est les fêtes. La période du saucisse. Les deux seuls animaux qui peuvent voir derrière eux sans tourner leur tête. Est-ce que tu veux t'aventurer? Sans tourner leur tête? L'exorciste, oui. Sans tourner les têtes. Attends, non, ça c'est le poisson. J'aurais peut-être dit le poisson, mais lui, je pense que c'est pas 360. Non, c'est ça. Lui, c'est voir derrière. Sans tourner la tête? Sans tourner la tête. Il y en a un qui c'est un oiseau. Là, j'aurais dit d'emblée le hibou, mais lui, il tourne sa tête. Non, c'est ça. C'est ça. Je sais pas. C'est le perroquet. Hein? Perroquet? Ben non. Oui, je te jure. Et aussi le lapin. Ben. Qui peut voir derrière lui sans tourner sa tête. Mais voyons donc, il est bien fou, lui. Ben oui. C'est là, puis ça copule comme des lapins, puis ça regarde en arrière. Ça regarde en arrière en plus pour être sûr de ne pas se faire pogner. De dos. Oui, ou par Madame Lapine. Oui, Lapine. Lapine du matin. Oui, je la pogne. Le nom de rue le plus commun aux États-Unis, qu'est-ce que c'est selon toi? 5e avenue. Obsession. Obsession. OK, c'est un chiffre. C'est un chiffre. C'est un chiffre. C'est 5e avenue, c'est faux. C'est faux, OK. C'est pas 5, donc c'est 20e. Non. Première. Ben non. Là, je sais pas. Deuxième. Oh. Deuxième rue. Parce que la rue principale, des fois, va s'appeler première rue. Des fois, ça va être Main Street, Main Way, you know. Mainstream. Mainstream Media, donc tout ça. Et la deuxième, elle, est souvent juste nommée deuxième. Bon, ben, tu vois. Tu vois. Au pire, hein. J'aurais dû y passer. Ouais. Le masque utilisé par Michael Myers dans le film original d'Halloween est en fait un masque du Capitaine Kirk de Star Trek, okay. Mais peinturé blanc à cause du très petit budget du film. Oh wow! Quelque chose, hein? C'est devenu un classique. C'est ça. Une compagnie nommée Tiny Farms développe un kit où on pourrait faire pousser ses propres insectes mangeables à la maison. OK. Miam, hein? Mais pas en jujube, là. Non, non, des vrais insectes croustillants, là, comme des Pringles, mais... Mais insectes, c'est ça. Ah ben. La durée de vie moyenne d'un cil est de 5 mois. OK. Pas pire, hein? Ça en fait des funérailles. C'est ça. Moi, je vais essayer de les faire durer plus longtemps en prenant soin à deux autres, là, puis en les traitant bien. Puis... Ouais. L'Américain moyen va marcher combien de bâtons de gomme par année? Moi, je dis c'est autour de 400. Oh, on descend de moitié. 200. Non, on descend encore un peu. 190. 190? Ah, moi, j'aurais dit qu'il y aurait pu quasiment en prendre une par jour. J'avoue. Fait que je suis allé tout de suite avec 365. Parce qu'en moyenne, il y en a qui en mangent beaucoup, il y en a qui en mangent presque pas. J'en mange quasiment jamais. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, ceux qui boivent du café, mangent de l'ail. Mangent des donuts. Point de pizza. Toute la pub de Excel, finalement. Exactement. Tu as tellement vu clair dans mon jeu, Mathieu. Mais sont bonnes, c'est vous. C'est plus pour ça. OK. C'est la. Comment dire en français? C'est l'attache entre la peau de l'humain et le muscle. Il y a comme une petite attache entre les deux, entre la peau et le muscle. C'est ça qui fait les dimples, les petits trous dans les joues. Les fossettes. Les fossettes, c'est tellement cute. Oh. On l'a déjà dit mille fois, mais... Oui. Ouais. L'abeille à miel est née ne sachant pas comment faire du miel. C'est des jeunes abeilles qui se font enseigner par les abeilles un petit peu plus expérimentées, d'expérience, qui vont leur montrer. C'est pas instinctif, bref. Non, c'est ça. C'est fou. Ouais. C'est ça. C'est comme Abeille Gélina, ça va pas animer avec la sœur Lumon. Le premier train qui a été fabriqué allait à une vitesse de 8 km/h. OK. 8 km/h. Ça va aussi vite que mon petit train en dessous de l'arbre de Noël. Le sang des mammifères est toujours rouge, alors que le sang des insectes est jaune et le sang des homards est bleu. OK. Oh. Tu vois, ça, pour les insectes, je ne savais pas. Puis c'est pour ça qu'en anglais, on appelle ça Blobster. Blobster, Blobster. Et Colin Wayne. Et je la trouvais bonne dans ma tête, là. 8 ans, 9, si tu veux. Non. Kimokawai. C'est du slang japonais pour quelque chose qui est révoltant, mais attirant en même temps. Kimokawai. OK. C'est cute, hein? Kimokawai. Attirant, puis... Ouais. Et révoltant. Ouais. Repoussant. Le croquet a été enlevé comme sport olympique après les Jeux de 1900 parce que seulement un spectateur est venu regarder le match de croquet. Puis c'était le père d'un gars qui était c'est là. C'est ça. Oh. T'imagines-tu, les joueurs n'avaient même pas d'amis. Genre. Même pas. Même pas un, tu sais, comme faire ou une blonde, tu sais, faire comme ah, ben, tu vas-tu venir me voir jouer? Non. C'est pathétique. Je m'en fous. Oh. C'est comme, c'est juste avant. C'est répugnant et attirant. Oui, c'est kawaii. Oui. l'adulte mâle. L'homme moyen, donc, va faire pousser une livre de poils dans son visage par 10 ans. OK. En 10 ans. En 10 ans, c'est ça! Sting, oui. Comme une abeille, Sting, le chanteur, bref, artiste, a eu son nom à cause d'un chandail à bandes jaunes et noires qu'il portait dans ses spectacles et ailleurs jusqu'à temps que... Ils finissent par briser, se déchirer, se désintégrer, si on veut. C'est bien. Sting. C'est drôle quand même. La peau est à son plus épais, OK? C'est dans le dos, à 1/6 de pouce. Ouais, c'est ça. Sur le dos, 1/6 de pouce d'épaisseur, la peau. Ah ben. C'est là qu'elle est la plus épaisse. Hein. C'est tout. Colin, ça finissait là-dessus. Sur le bout de peau? Ouais, un bout de peau épaisse. Un bout de peau épaisse? Ouais. Eh ben. Comme Sting. Parfait. La peau épaisse. Oui. Parce qu'on le critique tout le temps, il faut bien qu'il y ait une peau épaisse. Une carapace. Voilà pour cet effet. C'est tout. On va revenir tantôt avec une autre chronique. C'est les restants des instructions d'assemblage. Oui. Mais avant ça, une petite pièce du palmarès anglophone. Royal Canoe. Ah, Royal Canoe. Ah, tu sais. Birthday. Oui. Tu l'aimes. Oui, je l'aime. On l'aime. Nous l'aimons. C'est comme... Est-ce que vous l'aimez? L'aimons. Ah oui, il les aime. Oui. Il les aime. Les aime. You know how it'll end. No one's really listening. We can all pretend. We'll be right back. you, it's gonna happen without you. It's not about you, it's gonna happen without you. It's not about you. But if you call it truth, then you gotta bold show, bold show, bold show, bold show. When it opens, when you're closing your eyes on your birthday, it only comes true when you don't say, don't say, don't say, don't say. Don't you know it's a never, never, never, never, never, never. But if you call it truth, then you gotta bold show, bold show, bold show, bold show. When it opens, when you're closing your eyes on your birthday. It only comes true when you don't say, don't say, don't say, don't say. It's not about you, it's gonna happen without you. It's not about you, it's gonna happen without you. It's not about you, it's gonna happen without you. It's not about you, it's gonna happen without you. It's not about you, it's gonna happen without you. It's not about you, it's gonna happen without you. It's not about you. Birdie, Real Canoe. Oh, que c'est bon. Real Canoe. Real Canoe. Real Canoe. Oui, Canoe, pour tout savoir ce qui se passe. Point CA. Maintenant, voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Tout, tout, tout. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, oui, mais... Oh. Ah, bon, bon, bon, bon. Je me suis dit, OK, je vais l'avoir sur le temps. Uh-huh. Cette fois-ci. Veux-tu reculer un peu? Je recule un peu. OK. Hein? Avec la clé numéro 17. Recommençons. Tige ouais. Numéro 45A. Oui, mais... Ah non. T'abandonnes? J'abandonne. C'est bon. J'abdique. Donc, la chronique, les instructions d'assemblage, instructions d'assemblage, c'est trop de syllabes pour moi quand même, mais c'est la chronique où on vous présente des trucs et astuces pour mieux vivre votre vie. C'est pas TVA qui va vous dire ça. Nous, on est là pour ça. Oui. Vous dire des vraies choses. Une mission de service. Oui. Assemblage requis. Quand t'es en chicane avec quelqu'un, fais comme si t'étais en train d'être enregistré. Ça va t'empêcher de dire quelque chose de stupide que tu penses pas. Tu fais comme si l'autre personne t'enregistrait, tu sais. Avec son iPhone. Oui. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Ouais. Si tu n'as que de la bonne nourriture dans ton réfrigérateur, hein, tu vas seulement manger de la bonne nourriture. Ouais. Hein? Est-ce que tu fais des liens ici? T'as pas le choix. Remplis ton réfrigérateur de bonne nourriture. Ouais, mais là, des fois... Faut se gâter, mais oui. Peut-être des affaires dans le congélateur, comme ça, tu vas être obligé de le faire dégeler. T'sais. Oui. Oui, c'est ça. Genre des croquettes de poulet, des affaires de même. Arrête. Des pogo. Pogo. Si ton horaire de sommeil est tout un petit peu déboussolé, passe, si tu peux, une journée au soleil. Hein? Parce que ça va te resetter. OK. Et quand ça va être le moment d'aller te coucher, tu vas comme être super fatigué à cause du soleil. Puis tu vas t'endormir plus facilement. Tout de suite. Ah, c'est le fun. J'imagine que tu peux aller te faire bronzer aussi. Mais ou aller faire du sport. Non. Non. Hey, hey. Tu peux avoir une note d'un docteur qui va interdire à ton professeur de ne pas te permettre d'aller aux toilettes quand tu veux y aller. Si t'as un problème, OK, tu réussis à convaincre ton docteur, peut-être dans les docteurs qui prennent 15 minutes puis c'est next après next, ça. Ouais. Peut-être que tu pourrais demander une petite note pour dire à ton professeur qu'il faut absolument que tu aies le droit d'aller aux toilettes. OK, peut-être. Nous dit-on. Si tu crois que quelqu'un suit ta voiture, on se sent des fois suivi dans la vie, des fois on est un petit peu paranoïaque, mm-hmm. Ça arrive. Tourne quatre fois à droite parce que ça va former un cercle. Donc, tu vas tourner sur toi-même. Si la personne te suit encore, c'est que clairement, il te suit. Ouais. Parce que personne ne va tourner en rond de même dans la rue. Surtout si tu fais un U-turn sur l'autoroute. C'est ça. Genre. Il y a peu de chances que ça s'arrive. Très peu de chances. Ouais. Fais-toi couper les cheveux le jour. Ah, ça, c'est très, très bon. Le jour avant. De faire prendre ta photo pour ton permis de conduire. Comme ça, tu vas pouvoir toujours montrer au barbier ou à la coiffeuse voici ce que tu veux. La coiffure que tu veux. C'est fort. Oui, c'est fort. C'est une très, très bonne idée, ça. Contrairement à toi, qui a une petite photo de chien mouillé oui. sur ta photo de permis de conduire. Oui. C'est ça. Faites attention quand vous descendez sur une glissoire avec un enfant sur vos cuisses. Parce que c'est une des façons les plus communes de casser les jambes des petits-enfants. C'est vraiment vrai. Les gens se cassent les jambes, les enfants, parce qu'ils sont sur les... T'as pas payé ton loyer? Ah ouais, dans la glissade. Tes jambes. On s'en va au parc, viens-t'en. C'était nouveau au gym. Tu sais, un gym, je connais pas ça, c'est un endroit apparemment où on fait des exercices, là, j'entendais. Commencez à y aller un vendredi, parce que c'est presque toujours vide, là, les okay. vendredis. C'est là, tu peux comme faire... sans te faire vendredi regarder. Soir, genre. Ouais, genre. Hein? Mm-hmm. Après ça, ben, tu sors chez dans le fast-food. Oui, c'est soir pour ça, vendredi soir. Si tu procrastines, tu remets à plus tard, je sais que c'est un verbe qu'on peut pas accorder, je pense que c'est même pas un verbe en français, mais peu importe. Si tu procrastines... Écris-toi une liste de récompenses. Mets ça dans un pot et à chaque fois que tu finis une tâche, une affaire à faire, tu sors une petite récompense. Ah! Oh. C'est une bonne idée, je trouve. Bon, oui. La meilleure façon de faire confesser quelque chose à quelqu'un, c'est de rester silencieux, de garder le silence. Ils vont simplement parler parce qu'ils sont inconfortables, ils sont mal à l'aise qu'il y ait un silence. Donc, ils vont se mettre à parler et vont peut-être finir par confesser la chose qu'ils ont commis. J'aime. Cette initiative. Une très bonne idée. Ensuite, tiens, un effet de peinture. C'est un peu visuel ici, mais prenez un rouleau à peinture normale, peinturez votre mur, et prenez un balai. Tu sais, un balai genre avec les petites. Tu sais, les vieux balais, là, on dirait du foin, ça fait. Oui, là, oui, là, oui, bon. Oui. Et les balais rétro, là, avec une petite corde dans le milieu pour tenir le tout. Et puis, passez votre balai sur la peinture. Faites des stries. Ah oui, okay. Ça fait super bon. OK. Un genre d'effet ligné, vertical, c'est assez joli. Donc, allez voir ça sur assemblagerequis.com, il y a le lien. C'est Cool Painting Effect. Ensuite, écoutez de la musique pendant une heure par jour. Ça peut réduire les douleurs chroniques de 21% et la dépression de 25%. Écoutez de la musique une heure par jour. Ben, déjà là, ça va bien. Vous êtes à bonne émission. Vous avez à peu près 1h20. Non, même pas. Même pas. 40. On commence à quelle heure déjà? Ça dépend des gens. Laissez donc faire. Relisez un livre ou regardez une deuxième fois un film de votre enfance. Vous allez les comprendre mieux. Vous allez comprendre plus de blagues. Vous allez remarquer des choses que vous n'avez jamais remarquées avant lors de la première écoute. C'est pas fou, pas fou, pas fou. Quand vous avez quelque chose de long à faire, mettez-vous un timer de 30 minutes, un minuteur, et faites une course. Ça va vous empêcher de remettre ça plus tard et de faire perdurer le calvaire. Le calvaire. Dépêchez-vous en 30 minutes de tout faire. J'adore cette idée-là pour faire la vaisselle puis le ménage. Enfin, même, allez-y par tranche d'une demi-heure. Là. Ouais, c'est parfait. Ça va motiver. Ouais, puis t'es pas désespéré après. Là. Ça fait pas 4 heures que tu fais du ménage. Exact. T'es tanné. Mmh. Puis tu veux étriper tout le monde. Ah! On sait tout ce que c'est. Hein? Ah ouais. On sait ce que c'est. Gardez votre porte de salle de bain un petit peu plus ouverte au lieu de la fermer. Ça va empêcher d'avoir froid quand vous allez sortir de la douche. Parce que la chaleur va s'enfermer dans la pièce. Tu sais, à la place de fermer la porte, à la place d'ouvrir la porte, là où l'air chaud va sortir. Ouais, ben peut-être que c'est. Peut-être que ça partage cette chaleur-là un petit peu autour. Peut-être plus. Ça. Quand tu vas sortir de la salle de bain, ça sera pas trop pire. Ça va être un petit peu plus chaud partout, tiède partout. Ouais, je comprends. Les bananes contiennent 3 sortes de sucre, le sucrose, le fructose et le glucose, en plus des fibres. Donc, une banane donne un boost d'énergie instantané et assez important. OK. Donc, c'est pour ça que les gens mangent des bananes, c'est les mains en forme. Ben oui. Banane. C'est une banane, bonne idée. Voilà pour les instructions d'assemblage sur cette extrêmement chouette blague. Oui. Ouais. On fait ça une fois par semaine. D'habitude, c'est le jeudi, mais ça, c'est des restants de jeudi passé. Ben oui, mais c'est le fun. Je suis allé voir, en passant, l'effet Cool Painting. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est très beau. Des petites stries. Ouais, mais ça fait un look un peu vieillot. Ouais. Mais c'est, eux, ils ont utilisé une peinture mauve. Ouais. C'est très beau. Je le ferai sur du... Une belle image à mettre sur Pinterest. Gris. Du noir. Pinterest. Oui, hey, c'est super, hein? Instagram. Hein? Ouais. Pinterest. C'est tellement féminin, hein? L'utilité de Pinterest, ouais. Faire rêver les filles puis faire des affaires aux gars. Ah! Tout le monde gagne! Oui, c'est ça! Tu veux qu'on s'en parle? Non, merci. Ça fait bien la job, tout ça. Comme Jobin, qui fait bien la job. Oui, aussi. Voici ta pièce Soweto, le succès de l'heure. Tout le monde capote sur cette pièce-là. Oh. On vous l'a fait jouer, derrière de là! Je suis content. Assemblage Rocky, c'est juste pour toi. et Steph. On vous la dédie. Je me la dédie. T'as inclus là-dedans? Oui. On nous la dédie. So Eto, The Jobin. C'est tellement chaud. C'est chaud. Et tout. Show et tout. So Eto. Ouais. On les a toutes faites sauf celle-là, mais je me suis dit ça. Ouais, c'est fait, là. Ouais. De retour après la pause avec plus d'assemblage requis. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. CFOU 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. bon tour, c'est toujours Assemblage requis en ce lundi 16 décembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Oui, c'est confirmé, Laurent Constantin s'en vient tantôt. Oui, monsieur. Il est en route, il arrive. Oui. On va être là pour l'accueillir pour sa chronique Voyage au centre du campus. Oui, sa dernière. Ah oui, mais ça, rappelle-moi pas ça. Ben oui. T'es tellement rabat-joie. Il faut en profiter, dans le sens qu'il faut en profiter plus. Jean-Philippe Charbonneau. Charbonneau Rabat-Joie. Ça marche pas, ça. Non. Rabat-Joie. On va trouver un autre concept de pub. C'est ça. J'ai écrit mes pubs live à la radio. C'est tellement le fun. C'est comme ça que ça va. Talent de scripteur inné. Oui. Ça vient. En fait, c'est inné, mais c'est aussi une question de génétique. Hein. Oui. Comme ma mère disait. C'est The Well Mother. La pièce Mother de C'est The Well. Ouais. Elle disait ça. Ouais. Eh oui. Try to always be a gentleman. I try to always be a better friend. Lately I've been feeling half a man. Like maybe I should be more who I am. Maybe I should fuck something up good. Or maybe I should act like someone mad. Try to live my life like David does. But something always feels just slightly off. I'm young and maybe that's why they see me. They seem like opportunities to test my reach. Adoption of the habits that I've been. The Well avec Mother. Exactement. C'est ce qu'on vient d'entendre. Ouais. Tantôt, on va entendre d'autres musiques, puis tantôt, on va avoir une chronique, puis tantôt, on va avoir d'autres affaires, puis l'affaire qui s'en vient. Je te prépare en ce moment le top 10 des phrases en latin que les gens font semblant de comprendre. OK. T'sais, on entend souvent les ad hoc, etc. Là, ouais. Là. Qu'est-ce que ça veut dire, des affaires comme ça? Mm-hmm. C'est nous, c'est passé un parabellum, genre. Oui. C'est ouais. Ouais, je ne sais plus c'est quoi exactement. Le puribus claviculus. Centurius. Ouais, c'est ça. Centurius. Ma mère s'appelait Luce. Tu sais, des phrases ouais, comme ça. Ben oui, c'est ça, exactement. Ça s'appelle encore la même. OK. Ouais. Fait qu'un petit palmarès de ça, là. Je la salue. Je la salue. Tantôt. Ah, OK, tantôt. C'est comme des jeux vidéo quand les Français vont dire une soluce. J'ai une soluce. C'est genre, c'est des affaires de triche. Hey, j'ai triché 3 fois dans Super Mario 3D World, dont je vous ai parlé la semaine passée. Parce que t'as voulu finir le. Ben oui, je voulais ramasser les étampes dans chaque tableau, les 3 étoiles vertes, puis, tu sais, des affaires, puis en tout cas. Puis j'ai triché trois fois, puis je me sens pas bien. J'ai l'impression c'est de pas avoir mérité. Oui. Ouais. Mais tu sais, quand tu cherches, ça fait comme plusieurs, mettons, dizaines de fois que t'es sur le tableau. C'est normal à un moment donné d'abandonner, puis de faire bon, gars, je vais aller voir la soluce. Oui. Puis là, tu fais comme waouh, c'était tellement évident. Vraiment évident. Bon. Ouais. Fait que c'est arrivé trois fois. Ouais. Mais une fois que tu le sais, tu peux pas désavoir ça. Tu non, peux pas c'est dévoir ça. La vérité. Tu peux pas désapprendre. T'sais. Non. Ni faire comme oh, je pourrais juste me donner un indice. Ouais. Non. Rien. Non, c'est ça. Lire les premiers mots de la phrase de où c'est. Puis non, pas la fin de la main. Tant qu'à ça, je suis allé voir les vidéos sur YouTube qui montraient comment le faire. Ouais, exactement. Pour vraiment voir comment gâcher le jeu pour moi. T'sais. Ouais. Mais bon, j'ai fini. Fait que là, il est fini au complet. Là. Ben non, en fait, le dernier monde dans Super Mario 3D World, on parle d'un jeu sur la Wii U, là. Quand tu réussis à voir chaque étampe, chaque étoile dans les, je sais pas si c'est combien, 70, 80 tableaux, tu débarres un nouveau monde. Je pense que c'était juste un tableau, mais c'est un monde. OK, c'est un monde au complet. Ouais. T'as trois différentes variétés. D'habitude, les mondes ont peut-être une dizaine de tableaux. Celui-là en a juste trois. T'as un tableau puzzle qu'il faut que tu trouves 5 étoiles dans une surface en 3D en faisant bouger la caméra. Là, ça s'appelle les Captain Toad. C'est bien le fun. T'as aussi une petite boîte à surprise qui est habituée de 5, 6, 10 tableaux dedans, mais c'est des tableaux très, très, très courts où il faut que tu trouves une étoile en tuant des ennemis. Okay. C'est vraiment relativement simple, mais t'en as beaucoup de suite, puis tu peux pas mourir sinon tu reviens au début. T'sais. OK. Ah ouais, ça c'est. Mais le dernier en 30. Oh! 30 étoiles de suite et j'ai réussi à en faire 10. J'ai fait ce tableau-là peut-être une dizaine de fois jusqu'à maintenant. J'ai réussi les 10 premiers parce qu'il faut tout le temps que tu recommences au début et que tu refasses. C'est toujours le même ordre. C'est ça, tout le temps le même ordre, les 30 d'affilée. Mais quand tu meurs, tu recommences au premier. Bon, bref, je suis rendu à 10, je suis pas capable de dépasser le 10e. C'est un tableau de glace avec un genre de. T'es dans un patin, t'es comme un angle croche qu'il faut que tu descendes une pente pour aller chercher l'étoile, pas capable. OK. Moi, quand ça glisse puis que j'ai pas le contrôle sur l'angle, la caméra, pas capable. Ah, ben. Fait que bref, on va le réussir un jour, là, mais t'as comme 10 secondes par tableau, genre. Ah ouais, c'est très, très, très, très rapide. Hein. Ça, c'est la petite boîte à surprise. Et t'as dans le milieu du monde un gros dernier tableau qui s'appelle la route de l'ultime défi, genre. OK. Je l'ai essayé, peut-être encore une fois, une dizaine de fois. C'est vraiment, vraiment difficile. Et t'as aucun power-up, aucun champignon, aucune fleur, juste ta personne. Juste toi, le petit Mario. Exactement. Et c'est vraiment, vraiment difficile. Et y a pas de, à la date, j'ai pas vu de drapeau du milieu de tableau pour recommencer au milieu. À la date, j'ai pas vu ça. OK. Fait que moi, je pense que je vais retourner dans le début du jeu. Je vais me ramasser plein de vie. Ah oui. Puis je vais le refaire quand j'aurai plein de vie. Bon, ouais, c'est correct. Parce que le game over à chaque fois, c'est étonnant. Ouais. Bref, c'est ça. C'est mes aventures en jeu vidéo. Ah, qu'on a commencé la semaine passée, puis j'avais défoncé l'émission, puis j'avais pas eu assez de temps pour finir. Ben oui, c'est ça, fait que là, au moins, là, c'est fait. On va pouvoir les rabouter. Une petite partie, c'est ça, on va faire une grosse chronique à la fin, c'est marrant. Avant Laurent Constantin, on s'en va entendre Philémon Simon, qui, lui, nous parle d'un soleil. Ah, oui, oui, oui. Un soleil qui est blanc. Blanc, oui. De mémoire. Blanc. C'est ça. Sinon, ça aurait laissé... Un fret? Un blanc, comment? Ah, non! C'était parfait. Il y a un blanc. Je m'excuse, Mathieu. C'était vraiment évident. Tu sais, c'est la fin de l'année, tu fais un bilan. Un bilan. Un blanc. Un bilan. Un bilan. Oh, wow. C'était drôle. Ouais, bonne. Même moyen. Je te caresserai toute la nuit. ton sourire rouge écarlate. Tu soupires, oui, le regard tout affolé. Soleil blanc de Philéon Simon. Philémon Simon. Oui, je me suis trompé. Maintenant, on va passer à quelque chose comme une liste, tu sais, une liste dans la vie coche-coche-coche-coche. Oui. Ça coche-coche-coche, you know? Ça coche, ça coche, on se comprend. Voici son foutu palmarès. Yo! Sans foutu palmarès. Je ne réponds plus à ses attentes. Je suis maintenant à la baisse. On oublie le projet, la position, je le sais. C'est fini, je m'en vais. Pataka, pataka, pataka, pataka. Je t'emmerde. Voilà. On sait que t'as gâché une chanson d'intro ici. Hein. Ah, mais on avait du fun. Oui, c'est pour avoir du fun. Le public, par contre, pas sûr. Aujourd'hui, dans son foutu palmarès, on fait le top des phrases en latin que les gens font semblant de comprendre. OK. Tu sais, on utilise beaucoup là, ces phrases-là. Par exemple, caveat emptor. Veux-tu, est-ce que tu sais ce que ça veut dire caveat emptor? Non. Non. Ça veut dire faire attention quand t'achètes quelque chose. Le let the buyer beware, que le consommateur soit bien averti. Ça, c'était avant les garanties de retour en argent, les garanties prolongées de 20 ans. Caveat emptor, c'était un conseil pour les consommateurs, d'accord? Donc, souvent, on va entendre le mot caveat tout seul lors des petites fêtes, rassemblements. C'est comme un mot fancy là, qui veut dire avertissement, faites attention. Caveat. Je mets un caveat là-dessus. Ouais. Donc voilà, caveat lector. En passant, caveat lector, ça veut dire que le lecteur fasse attention. Caveat emptor, caveat lector. Qu'est-ce que persona non grata maintenant? Personne. Ouais. Non gratiné. Non gratiné. C'est ça. Sans fromage. C'est pour les gens qui sont allergiques au lactose. Exactement. Exactement. Donc, le terme qu'on utilise dans les cercles de gens très, très fancy là, pour indiquer une personne qui n'est pas bienvenue grâce ou à cause de ses différences idéologiques. Donc, c'est toujours très subjectif, mais ça peut être une personne, genre, tu sais, un rabat-joie, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, une personne que tu aimerais mieux ne pas voir, c'est persona non grata. Parfait. Ensuite, habeas corpus. Ah oui, oui. On entend ça par moment, aux nouvelles, des fois, habeas corpus. Donc, c'est « you have the body », d'accord? C'est ce qui nous sépare des sauvages. C'est le principe légal qui garantit à un criminel le droit d'apparaître devant un juge à la cour. Donc, c'est une personne, dans le fond, c'est ça qui va avoir le droit d'être jugé par un jury composé de ses pairs. C'est aussi ce qui fait partie du système légal britannique et américain. Sans ça, les emprisonnements injustes seraient possibles. Ça courrait les rues. C'est ça. Donc, c'est habeas corpus. Ensuite, cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. C'est le « je pense, donc je suis » là, cogito ergo sum. Ça vient de René Descartes, le philosophe français du 17e siècle. C'est lui qui a inventé la phrase « pour justifier la réalité », dit-il. Selon lui, rien dans la vie pourrait être prouvé sauf ses propres pensées. C'est super profond, c'est bien de la philosophie, j'ai poché ça. Ouais. I pluribus unum, ou E pluribus unum, c'est ça? Non. Non. De plusieurs, un seul. D'accord, donc c'est le slogan d'origine des États-Unis. « E pluribus unum », ça a été plagié, ça, d'une recette de vinaigrette. Pour vrai, là. Ça vient vraiment d'une recette de vinaigrette. Le terme a fait sa première apparition dans un poème qui s'appelait « Moretum ». Pour décrire une vinaigrette, les ingrédients, disait-il, rendaient leur esthétisme individuel parfaitement lorsque mélangés avec les autres pour former un mélange homogène, unique, harmonieux et goûteux, délicieux. Wow! C'est bien, hein? Donc, comme slogan, ça montrait vraiment, si on veut, le melting pot culturel des États-Unis. C'est pour ça qu'on a choisi la phrase. On voit toujours ça sur les pièces de monnaie américaines, mais « In God We Trust » est arrivé plus tard, officiellement en 1956, pour partager le feu de la rampe, des slogans. Quid pro quo, dépendant des gens, comment ils le prononcent. C'est comme on dit quiproquo en français. Mm-hmm. Genre, quiproquo. Donc, ça réfère à... c'est un « this for that », donc ça pour autre chose. Les Britanniques, d'ailleurs, ont nommé leur argent... Le surnom de leur argent, c'est le quid, parce qu'on échange le quid pour du quo, qui est un produit. Donc, quand tu leur donnes du quid, tu reçois du quo. C'est quelque chose de valeur qui est échangé pour quelque chose qui a la même valeur. Donc, des éléments sont séparés ou donnés et redonnés à l'autre jusqu'à temps que le quiproquo, le quid pro quo, soit réussi. Puis, pendant ça là, tu peux écouter un match de Quidditch. Quidditch. Dans Harry Potter. Ouais, exactement. C'est bon. Ad hominem. Ad hominem, c'est attaquer la personne. Donc, c'est une façon d'attaquer son opposant en remettant en question sa réputation ou son expertise à la place de vraiment débattre des vraies idées. C'est de l'accuser de ne pas avoir l'expérience dans tel sujet. Ouais, mais t'es qui, toi, pour me dire ça? C'est ça. Et où, ton diplôme? Ouais, c'est ça. Donc, c'est ad hominem, c'est attaquer la personne. Les politiciens sont très, très bons là-dedans, nous dit-on. Ensuite, ad majorem dei gloriam. Je dis ça tous les jours, ad majorem dei gloriam. Oui. C'est pour la gloire de Dieu. Vraiment, pour la gloire de Dieu, c'est un peu le genre de « What would Jesus do? » des Jésuites. OK. Ouais, donc c'est inventé, c'est utilisé depuis que Saint Ignatius de Loyola a fondé l'ordre catholique en 1534. On utilise « Ad majorem dei gloriam ». Ensuite, « Memento mori ». Memento mori. Memento mori, c'est... Mémoire d'un temps. En fait, c'est « Souviens-toi, tu vas mourir ». Ah, voilà. La phrase qu'on utiliserait en français. Parce que « Carpe diem », c'est tellement 20e siècle. On peut interpréter cette phrase-là, « Memento mori », de deux façons. Donc, soit « Mange, bois et fais la fête ». C'est genre le « YOLO », si on veut. Hein. Bah oui, c'est ça. C'est l'ancêtre du « YOLO » en latin. Parce que « Carpe diem », c'est « YOLO ». Tu ne vis qu'une seule fois. Donc, c'est dans le fond, c'est d'être bien, d'être bon, de bien agir jusqu'à temps que tu puisses passer dans les portes du paradis. C'est comme ça que ça se traduit. Sui generis. Unique et inclassable. Sui generis, ça réfère à quelque chose qui est tellement neuf, tellement bizarre, que ça défie les catégorisations, les catégories. Donc, étiqueter quelque chose sui generis, c'est vraiment juste de dire que c'est inclassable. Donc, on classe dans l'inclassable. Dans l'inclassable. Sui generis. Je vais avoir un dossier de ça au bureau, tu sais. De sui generis. Ouais, toutes tes affaires que tu veux pas classer. Tu mets tout ça là, puis finalement, ça devient ta plus grosse filière. C'est une boîte à cossin. Oui, vraiment. C'est un tiroir à ficelle, comme on l'appelle. Donc voilà pour le top 10 des phrases en latin qu'on utilise sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Ah ben voilà. C'est dans son foutu palmarès. On l'a dit mille et une fois, ben ça s'en vient. El pluribus unum maximus Laurentius Constantinus. Oui, si. Si. Ah, hey, j'aurais dû dire voyage au centre du campus, ça fit par un us. Ah ben oui. Ouais. Il s'en vient, Laurent Constantin. Avant ça, une petite pièce de francophone, qu'en dirais-tu? Qu'en dira-t-on? Les qu'en dira-t-on, hein, c'est ce qu'on aime. Ben oui. Ouais, c'est ça. J'aurais envie d'entendre On a créé un monde. Ah oh, ça pourrait être bien, ça. C'est pas pire. Avec leur extrait qui est numéro 1. Hein? Ouais, c'est numéro 1 du palmarès francophone. Après. Ben oui. Voici El Corpus es Lourdus. Oui, ou en français, Le Grand Rélo. Ah, wow, t'es comme le gars qui faisait le langage des signes pour les présidents. T'as-tu vu ça? Oui. On l'a accusé que c'était un faux. Ouais. Puis qui mimait n'importe quoi. Ouais. J'ai hâte de voir c'est quoi, comment ça va finir cette histoire-là. Et la gravité affamée, Un monstre. Le corps est lourd. L'enlèche, gamelin. Bienvenue, voyage au centre du campus. Ah ouh! Ça... Juste une phase qui va passer comme genre Laurent Constantin qui vient puis qui s'en va! Eh oui, j'arrive pour mieux partir, comme tu dis. C'est ça, t'as oui. je viens pour mieux partir. Pour mieux mettons, ça aurait été plus drôle comme ça, je trouve. Ouais, ouais. Donc, Laurent Constantin, voyage au centre du campus, qui est du latin pour l'actualité de l'UQTR, si on veut. Genre, c'est du latin, ça finit par us. Fait que, ouais, ouais, hey, Colin, tu me réveilles toi le matin. J'essaie de voir la référence latine là-dedans. Là, Campus, ça doit être latin, ça. Oui, oui. Sûrement, on s'en fout. Venant du mot « comme », non. Du mot « quand » et du mot « us ». Donc, Laurent Constantin, on t'a reçu toute la session durant pour Voyage au centre du campus et tu nous as lu tes articles du Zone Campus, un autre, sûrement, un journal latin. Et comment est-ce que tu vas terminer notre session? Parce que là, le journal, c'est fini. Tu nous as déjà lu ta chronique. Il n'y a plus rien à dire. Tu as bien clé dans la porte. Oui, exactement. C'est sûr, j'ai plus d'articles de journal à vous parler, mais une semaine sur deux, je vous ai toujours parlé d'actualité pour commenter l'actualité de l'université, du campus, la ville de Trois-Rivières. Donc, je vais continuer dans cette même lignée. Et pour faire un peu différent, la plupart de mes chroniques, souvent, je parlais de la chose étudiante ou de la chose du conseil d'administration, de la GUQTR. Ouais. Mais là, je vais plus vous parler de la structure de l'UQTR aujourd'hui. L'UQTRE. L'UQTRE. Donc, je vais commencer ça par une petite question. Êtes-vous déjà allé voir ça, vous les gars, une game des Patriotes au Colisée? Oui, pas par choix. Pas par choix. Moi, je vais te dire oui aussi, mais avec le carnaval. Et pas par choix. Ben, c'était au carnaval aussi, c'était avec ses fous, on est allé là. C'est ça le fait. Bon, mais vous avez sûrement remarqué que le Colisée, c'est quand même une vieille affaire qui est peut-être un peu trop grosse pour les Patriotes, ouais. Un peu mal adaptée. Puis ça, les quelques fois que je suis allé, je remarquais que. Ben, c'est pas parce que les Patriotes manquent de fans, mais c'est parce que l'aréna est un peu trop grosse. T'sais. Ben, c'est comme quand tu donnes un spectacle de musique au 10-12. C'est un peu gros t'sais, pour oui, ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Il faudrait une plus petite place, ça aurait l'air plus rempli. Ben, comme je prends l'exemple, Bernard Damus au 10-12, il devait capoter à pas s'entendre. Ça, là. Il l'a répété à plusieurs fois. M'entends pas! Et donc, le Colisée. Il était censé avoir un projet de Colisée, de nouvel amphithéâtre à Trois-Rivières, au centre, au complexe sportif Alphonse Desjardins, au Cap de la Madeleine. Et là, différents problèmes à la commission scolaire Chemin du Roi, avec la ville. La commission scolaire n'a pas vraiment d'argent pour financer ça. Donc, la ville se dit, on va se trouver un nouveau partenaire, quelqu'un qui va être prêt à payer, parce que là, il y a déjà le gouvernement qui veut payer, la ville qui veut payer, d'autres subventions. Et là, ils cherchent un nouveau partenaire pour compléter la facture. Et ils se sont retournés vers l'UQTR qui se disent « Ah ouais, nous autres, on avait déjà pensé à ça. Un jeune amphithéâtre pour les Patriotes. Puis en même temps, moderniser nos installations sportives. » Donc ça, on aurait peut-être la chance d'avoir un amphithéâtre d'à peu près 5000 places sur le site de l'UQTR. Mais là, on se demande. Puis il n'y aurait pas trop de travail à faire, j'imagine, pour eux autres, parce que ce serait en partenariat avec d'autres, il y a tout ce qu'il y aurait à fournir, c'est l'argent, ou est-ce que ce serait eux qui entreprendraient le projet à l'UQTR? Ce serait vraiment, c'est ça, un partenariat financier de la part du gouvernement du Québec, de la ville. L'université, c'est sûr, la fondation pourrait sûrement aider à ça, ainsi que d'autres partenaires publics ou privés, mm-hmm. c'est-à-dire en essayant de créer quoi de régional, parce que c'est sûrement que le cégep peut-être voudrait une glace, peut-être que certaines écoles secondaires voulaient une glace, ou faire des tournois, donc peut-être pas partenariat financier à la base pour construire ça, mais ensuite pour faire des locations, ces mm-hmm. choses-là. Créer de quoi de très rassembleur, puis en même temps, ça pourrait... faire venir des étudiants athlètes intéressants. C'est certain, c'est certain. Petite parenthèse avec ce contenu. Oui. Est-ce qu'on sait ça? Puis si tu sais pas, tu me dis, puis ils sont bien correct là-dedans. Mais Léopold Gagnon qui a donné de l'argent au CAPS. Là. On a renommé le CAPS en l'honneur de Léopold Gagnon. Oui, c'est je me demandais s'il restait encore de l'argent de ça ou si c'était supposé être sur quelques années ou s'ils ont tout mis dans la nouvelle pancarte. Je sais pas. C'est une excellente question, mais je te répondrai comme un peu avec Paul-Émile Bordua qui avait son espèce d'atrium à l'époque. Oui. Et je me suis fait répondre, ça s'appelle plus Paul-Émile Bordua tout simplement parce qu'il est mort et il donne plus d'argent. Fait qu'il laisse pas en l'honneur de l'homme. J'ai l'impression que même si un pavillon est nommé à l'honneur de quelqu'un, si quelqu'un avec bien de l'argent veut faire renommer un pavillon ou... ça va reprendre l'autre nom. Ouais, comme maintenant, c'est pour ça que ça s'appelle Atrium CEU. On sait pas vraiment c'est quoi, Centre d'études universitaires. Mais en tout cas, ça existe. ça semblerait que ça existe. C'est ça. Et donc, pour Léopold Gagnon, j'ai juste essayé de détourner ta question. Là, mais... Si tu l'avais pas dit, ça aurait juste passé dans le bar. C'est une autre question. Là. Alors, on en profiterait peut-être en même temps pour pas simplement faire un amphithéâtre, mais aussi tout moderniser les équipements derrière le CAPS. Donc, le gazon synthétique, la surface synthétique de soccer qui est en arrière du CAPS serait due dans environ 2 ans. Donc, ça commence à s'user. Donc, ils pourraient en profiter en même temps pour remoderniser ça. Et les estrades aussi, qui datent des années 70, donc de 1975, les Jeux du Québec de 1975, c'est pour ça que les estrades sont plus ou moins adaptées, sont plus rendues des nids à marmottes plus qu'à fans. Je suis sûr que les Patriotes les aiment encore, tu sais, comme ils disent dans leur slogan, là, c'est tradition d'excellence. Estradition d'excellence. Oui, man. Merci. On va les rendre patrimoniales, ces estrades-là. Puis la piste de course qui commence à être dans un état assez lamentable. C'est pas de vous aventurer à faire le 100 mètres là-dessus. Vous allez vous écorcher les genoux. Donc, en faisant un aréna et une surface synthétique, on pense déjà à peut-être faire des estrades qui pourraient embarquer sur l'aréna, en tout cas en train de faire essayer de faire comme de quoi un tout ensemble, essayer de faire des concessions alimentaires ou des bureaux, quoi que ce soit, qui pourraient à la fois donner sur la glace et donner sur la surface synthétique. Puis évidemment, s'ils sortent une poutine pour les Patriotes, ça va évidemment s'appeler une poutriote. Une poutriote. Une poutriote. Ah, oh, ça serait bon, ça. Moi, j'en veux une. Une poutriate. À savoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans. Ouais, faut que ça des soit. Des rondelles de poulet. Il faut que ça soit santé. Faut qu'il y ait aussi du vert, du orange et du noir. Fait que, mais une sauce barbecue puis des rondelles de poulet, je trouve ça parfait. Ouais. Ouais. Avec des petits, avec des petits pois. Des petits pois. Des petits pois. Oui. Ouais. Des petits pois triottes. Et on se dit, ben, puis là, l'UQTR a tendance à dire, ah, ben, tant qu'à refaire la surface synthétique, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on le trace aussi avec des lignes de football? Parce que là, les Patriotes, depuis quelques années, voudraient un nouveau programme de football à l'UQTR. Il n'y a plus de football à l'UQTR depuis 1979. Ah ouais. Mais c'est quand même quelque chose qui pourrait se recréer bientôt. Tu fais qu'il y a vraiment un intérêt dans tout le Québec sur le football universitaire. C'est quelque chose qui amène une certaine visibilité, qui amène des bons étudiants, des bons athlètes. Mais le seul problème, c'est qu'une équipe de football, ça coûte environ 650 000 $ par année à faire rouler. Au Québec? Au Québec, les universités québécoises. Par exemple, l'Université Laval, ça leur coûte 1 million de $ le programme de football. Par année. Wow! Incroyable. Et la première année, c'est sûr que ça coûte toujours plus cher le temps de... Ben, de conception des costumes. Ben, conception des costumes, l'équipement, toute l'accréditation, ces choses-là. Ouais. L'installation, l'équipement. Et donc, 650 000 $ alors que le budget actuel total des Patriotes est de 500 000 $ ça serait tout un coup de barre à donner. Il faudrait qu'il y ait bien du financement, c'est tout. Ouais. Je prends par exemple... un de mes amis qui est dans l'équipe de badminton des Patriotes, il me dit ah, former l'équipe, ça coûte 30 000 $ Donc, on est vraiment dans une classe à part. Mm. Ils vivent avec un très petit budget. L'équipe de badminton ne doit pas être la plus importante dans les priorités. Non, j'imagine aussi des volants, là, des moineaux, ça doit coûter moins cher que. C'est sûrement juste au-dessus des cheerleaders. Juste au-dessus. Ouais. Sinon, c'est ce qui est là-dessus pour les installations du Colisée. Mais bien entendu, on parle encore du stationnement, le fameux stationnement. Ben oui. On se dit, ben là, on rajoute 5000 places. Fait qu'il faudrait planifier environ une place pour 4 personnes. Fait que ce serait à peu près 1500 places de stationnement de plus. Donc là, est-ce qu'on ouvrait enfin la porte à des stationnements par étage, des stationnements souterrains? Oui. Ça serait à suivre exactement, ou vraiment essayer de mieux organiser le transport commun, parce que c'est sûr que oui, le transport commun, on peut bien l'améliorer, mais si on a une grosse installation de 5000 personnes... Faut pouvoir les accueillir. Et oui, c'est ça. Puis là, on se dit, ah, mais ça va être en dehors des heures d'achalandage du QTA, donc c'est pas trop pire. Donc, Un sujet à suivre. Donc, ça suit dans les médias. Le Nouvelliste en parle beaucoup de ce temps-ci, de tout ce qui est tractation pour amener l'amphithéâtre à l'UQTR. Mais ça ne sera pas fait avant à peu près 2017, 2018, 2019. Tant que ça, OK. Faut pas s'alarmer avec ça. Là. On n'a même pas encore décidé sur quel site on allait faire ça. Donc, et avec quel financement. Oui, ça, le financement n'est pas trouvé encore. Sinon, je sais pas, vous avez entendu, deuxième sujet encore sur les choses de l'UQTR. Le conseil d'administration de l'UQTR a encore beaucoup de dissensions. Il y a quelqu'un qui est sorti dans les médias dernièrement, Cléo Marchand, qui est à l'UQTR depuis 42 ans, qui a été professeur de comptabilité, qui a aussi été vice-recteur aux finances, et qui est maintenant vice-président de la Fondation de l'UQTR, qui n'en revient pas que le conseil d'administration depuis 2 ans, ça ne fonctionne pas, que des conseils d'administration de 9 heures, c'est pas de même que ça doit marcher, que la chicane, il n'y en a jamais vu autant que ça. Le conseil de la GE, conseil d'administration de la GE, des conseils d'administration de 9 heures, j'ai juste connu ça, moi, là. Peut juste pas, mais c'est comme ça. C'est peut-être juste, selon d'autres hauts cadres, juste la différence entre certaines personnes qui veulent du changement et d'autres personnes qui voudraient tout simplement garder les mêmes habitudes. Donc, c'est sûr que quand on veut changer la routine, c'est beaucoup plus de chicane, parce qu'on brasse des idées, et beaucoup plus de temps, parce qu'on veut passer vraiment du temps à construire quelque chose de neuf. Donc, qui a raison exactement? Est-ce que c'est la rectrice qui manque un peu de leadership? Qui dit vrai? On va voir ça dans les prochains mois, ça aussi. On se rappelle, l'an passé, au printemps, il y a eu un petit exercice de relations publiques. Il y a eu un rapport sur les mauvaises gestions et les gestions améliorées à l'UQTR, qui avait été déposé. Est-ce que l'UQTR a vraiment tenu compte de ce rapport-là? Est-ce qu'il y a eu un écho? Donc, ça va être à suivre, ça aussi, dans les prochaines semaines. Qu'est-ce qui se passe au conseil d'administration? Est-ce qu'il y a un capitaine à bord? C'est ça qu'on veut savoir. Et dernier sujet, on parle du capitaine à bord. Maintenant, je vais vous parler du navire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du fameux pavillon nommé le Centre intégré de pâte et papier? Oui. En bas de la côte des appartements, genre tout ça, là, les bâtiments. Oui, si vous cherchez le Michel Sarrazin, vous vous perdez, vous allez vous trouver au CIPP. Au lieu de tourner à droite, au lieu de tourner à gauche, je tourne à droite. Oui, c'est ça, exactement. Eh bien, le CIPP qui appartient, en fait, qui est géré par un conseil d'administration, la corporation du Centre intégré de pâte et papier, qui appartient à la fois à l'Université du Québec à Trois-Rivières, le Cégep de Trois-Rivières et d'autres petits partenaires publics-privés par rapport à l'industrie forestière, est un problème financier majeur, parce que n'étant pas considéré comme un établissement d'éducation, mais plutôt un établissement de recherche, de corporation, tout simplement, à but non lucratif, ben, il faut qu'il paye des taxes sur la propriété, dans le fond, des taxes foncières, dans le fond, ça veut dire, parce qu'il habite sur le territoire de la ville de Trois-Rivières. Et là, ben, l'UQTR se lance la balle avec la corporation, avec le cégep, avec les autres partenaires, à se dire, ben, c'est qui va payer vraiment la facture? On est au-dessus de... On est rendu à environ à 5 millions de dollars de dette juste en taxes impayées. Ah oui, OK. Donc, depuis que le pavillon existe, les taxes foncières n'ont jamais été payées. Donc, en ce moment, le CIPP est aux enchères. Donc, qui veut le CIPP peut gagner le CIPP. mais en ce moment, dans le fond, c'est ça, ils sont en train un peu d'essayer de régler ça avec le ministère de l'enseignement supérieur universitaire, dans le fond, pour essayer de transformer la vocation du CIPP pour vraiment instaurer ça comme étant vraiment une institution financière. Et ainsi se libérer de certaines taxes. Mais d'ici là, je sais pas... Si vous voulez un beau pavillon tout neuf, tout grand, qui est quand même assez impressionnant, ouais, c'est si bon déjà allé, il y a des belles œuvres d'art à l'intérieur. Plein de bois. Oui. Oui. Ils sont littéralement pris entre l'arbre et l'écorce. Oui, il y a déjà eu un show caché, c'est fou. Oui, c'est, ouais, vrai. Ouais, c'est moi, ça. C'est la seule chose pourquoi j'y ai mis les pieds, ouais, pour de vrai. Sinon, j'aurais pas vraiment d'affaires là. Mais c'est vrai que c'est très, très beau comme pavillon. Mais il n'y a pas beaucoup de cours qui se donnent là parce qu'il existe une maîtrise en ingénierie des matières ligneuses, le lignocellulite. C'est cellulose, peu importe l'appellation. Bref, maîtrise pour faire du beau papier, des belles matières en bois. Et ils ne sont que 3 ou 4 étudiants dans ce programme. Donc, de plus en plus, il y a certains cours de d'autres programmes qui se donnent là. Donc, cet hiver, j'aurai moi-même certains séminaires de stage-là, si on s'en dit l'environnement. Donc, c'est vraiment... il y a des belles salles de classe et des gros, gros laboratoires industriels. Donc, on ne voudrait pas perdre ça. C'est quand même quelque chose qui est important pour l'économie de la région. Si on veut vraiment développer de quoi dans les pâtes et papiers, ben c'est là qu'on peut le faire, mais il faut juste vraiment le faire et non juste avoir une belle bâtisse qui semble faire ça. Je vous en passe un papier. Donc, c'était ceci pour la chronique Voyage au Centre du Capus. Et pour toujours! Pour toujours! On te remercie beaucoup, Laurent Constantin. Merci d'avoir participé à l'émission, d'avoir accepté l'invitation, de t'être même offert pour faire cette chronique-là. C'était bien, bien intéressant de t'avoir tout au long de la session. Et ça va être un manque flagrant dans l'émission de Nouvelles du Campus. Mm-hmm. Et oui, vous allez devoir vous trouver quelqu'un qui se déplace le lundi matin à c'est ma place. Ouais. On peut se cloner peut-être au CIPP, ils ont peut-être une machine pour ça. Ah, encosser un dans un tronc. Oui. Un Laurent Constantin en papier mâché, peut-être, je sais pas. Mm-hmm. Bref, c'est l'heure de dire au revoir, comme disaient les Teletubbies. Oui. Popo et Lala. Oui, Popo. Tchum tchum. Tchoum tchoum, je connais pas. Tinky Winky. Tinky Winky, merci Laurent. Bonne journée. Bonne journée à toi. Dans quelques instants, on aura Maxime Tanguay et sa chronique « J'ai tout le temps pour une chronique ». Ça va être bon, ça? Oui. Mais avant ça, un petit message. Bob. C'est ça. On va faire imprimer du cash. CFOU 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, c'est toujours à Assemblage requis. C'est l'émission matinale en pièces détachées. Jean-Philippe Charbonneau va être de retour dans quelques minutes. Il est parti remplir son café. Ah, y a-t-il d'autres timings, ce gars-là? Mais écoute, moi, je l'appelle généralement Jean-Philippe Timing Charbonneau. Ah, voilà, tu vois. Parce que c'est un don qu'il a développé au courant de nombreuses péripéties. Il est derrière toi, tu sais. Il arrive avec son café. Et tabarouette. Fraîchement rempli. Puis il fait ça discret, hein, comme si on ne l'aurait pas vu. C'est ça. Il essaie de passer inaperçu puis de dire, ben non, gars, j'étais là tout le long. Oui, oui. Si j'avais rien dit, sûrement que les gens ne seraient pas rendus compte parce que de toute façon, je suis en train de parler par-dessus. Ouais, mais je laisse pas parler. Je laisse pas parler toi non plus, tu vois. C'est correct quand même. Je laisse pas. Dis ce que tu as. De tellement que... complimenté. J'allais dire qu'au moins, c'est le plus intéressant des deux qui parle le plus souvent, mais laisse faire, je me retire. Non, non, c'était. Oh. Non, non, non. Non, non, reste. Non. Plus profond. Okay. Voici Confessions to a Street Light. Barber Room. Side, a strand of hair across your eye, a flower in the early morning glow. I know. Mark Berube, a Confession to a Street Light. Mark Berube, comme je l'appelle. The Bieber. Bieberuber. C'est comme Justin Bieber, mais sans le Justin. Sans le Justin et le Bieber. Donc, tu parlais que tu avais froid aux jambes, JP. Oui, c'est moi. Atroce. J'ai vu quelqu'un en venant en auto. Il attendait l'autobus en jogging. Toute la gang, il était en jogging. C'est la période des examens. Oui, c'est ça. Ouais, les jogging, c'est pas chaud. Ben, les miens, ça dépend. Non, moi, j'ai des jogging chauds. C'est en minou. Minou. C'est du petit minou dedans. Je peux-tu porter mon chat pour venir animer? Oui, juste en avant. À place de petite feuille. Ouais. Un ouais. Endroit qu'on appelle stratégique. C'est ouais. Ça. Ouais. Stratégique. Non, je vais découper cette blague-là au montage. Ben moi, je la trouvais pas si mauvaise. Okay. Stratégique. Ouais. c'est le moment de J'ai du temps pour une chronique avec Maxime Tanguay. Tu okay. Vas m'imiter quelqu'un qui se dégèle en jogging en attendant l'autobus. C'est quelqu'un qui grelotte beaucoup. Ah ouais. Parce que j'aurais fait un claquement de dents. J'ai un abcès, on aurait pu le refaire. Moi, je fais les claquements de dents. Toi, tu fais le grelottement. Okay. C'est parfait. On fait ça en venant. Donc, 20h, on va faire ça. Okay, quand on sera plus en ondes. Donc, Maxime Tanguay, j'ai tout le temps pour une chronique. Ta chronique est musicale pour mieux étudier. Les fêtes s'en viennent. C'est peut-être pas nécessairement juste pour étudier ce coup-ci. Hein. Non, ben en fait moi c'est pour donner le dernier coup d'études, mais j'avoue que j'ai pas fait de spécial c'est les fêtes ou spécial fin de session. Ouais. J'ai plus fait le spécial hey Tanguay, ça fait depuis le début de la session j'écoute ta chronique, moi j'aime le métal puis ta petite musique de fif, j'aime pas ça. Oh hey! C'est pas vrai, là, j'ai dit ça de même, mais tu sais, de musique, c'est pas. J'en écoute pas. Ouais, c'est la fois où tes paroles vont aller plus vite que t'as pensé. Alors, voilà, non, mais c'est la musique instrumentale, donc d'études quand même, là, qui va vous permettre de vous concentrer dans une bulle, mais métal. OK, c'est bon. Pas du gros métal, par contre, mais de quoi d'un petit peu plus rough que, mettons, du post-rock ou genre, des choses. Papier d'aluminium, un peu, tu sais. Mou, mais métallique quand même. Genre, tu mets quand même pas son micro-ondes, mettons. Ça ressemble à ça. Okay. Papier d'aluminium mince, par exemple. Mince. Pas du épais. Pas du Rénol, là. Ben non. Je trouve ça intéressant comme comparatif. Merci. Je risque de te le voler dans le futur. Good. Je vais à ça. Copyright Mathieu. OK, parfait. Ben je le dirai à chaque fois. Okay. Et donc, le groupe, c'est Pellican. Pellicule? Comme une pellicule plastique, comme non. Pour Saran Wrap? Non. Non? Non. OK. Comme l'oiseau. Ah. Et ça se permet, ça fait... En tout cas, une fois de même. C'est pas des camions aussi, Pellican? De livraison? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est eux qui amènent les bébés aussi? Ou? Les pédalos. Pellican. Aussi, nous souffle-t-on. Alors, une source anonyme nous dit que ce sont des pédalos. Et non, c'est pas non, c'est des cigognes. OK, bon, excusez. Bref, Pelican. Pelican, voilà. Pelican, les gars, c'est des gars? Oui. OK. Chicago, Illinois. Voilà, ça vient de Chicago. Et c'est un band, eux autres se considèrent post-metal, mais dans le fond, c'est des chansons semi-progressives, sans structure apparente, avec une sonorité métal, donc des guitares plus basses, un petit peu plus dures aussi, des rythmiques légèrement plus lentes aussi au niveau de la musique. Et c'est un quatuor qui ont tous des noms délicieux. On s'appelle, ils viennent de Chicago, il y a Trevor DeBrowl. Avec W à la fin, Brian Erweg et son frère Larry Erweg. Et récemment, jusqu'à tout récemment, il y avait également un, je retrouve son nom, Laurent Schroeber-Lebeck. Schroeber-Lebeck. Qui a quitté le groupe, malheureusement, pour être remplacé par Dallas Thomas. Un nom plate. Wow! Ah non, moi, je trouve ça vraiment cool. Dallas Thomas. Ouais, ça fait joueur de football, là, un running back, là, il pourrait s'appeler Dallas Thomas. Bref, tout ça pour dire que Pelican qui traîne sa bosse quand même depuis 2001, ça fait un bon moment qu'ils sont présents. Ils ont 5 albums, mais moi, principalement, celui qui m'a accroché, c'est City of Echoes, qui est comme celui du milieu, là, le troisième album, qui a été lancé en 2007. Donc, c'est post-metal, même par moments post-rock, des moments plus un petit peu plus planants, utilisation de guitare acoustique aussi, des structures de chansons qui parfois sont claires, parfois le sont moins. Donc, ça va vraiment selon la chanson. Et le groupe, dans le fond, la chanson que je vais vous présenter, c'est la chanson-titre, la deuxième pièce de l'album City of Echoes, qui donne quand même un très bon aperçu du groupe. Seul bémol du groupe, le batteur est pas bon. Ah! Ouais, ben moi je trouve vraiment que c'est leur défaut. Okay. Leur batteur est pas bon. Fait que je vous laisserai, vous en jugerez, mais on dirait qu'il est pas, il fait la job, mais il est pas tight, il est pas à la seconde près, là, il est pas au quart de tour. Il manque de quoi. Oui. Et j'ai, quand j'ai écouté l'album, j'ai fait « Ah, ouais, c'est qu'il fait. » Et j'ai regardé les critiques des trois premiers albums et généralement, c'est le commentaire qui revenait comme « Ben, votre batteur, il pourrait être mieux. » Donc, je suis content. Je suis pas le seul à penser ça. « He could be better. » Mais, je veux dire, ça... « He could be better. » »« He could be better. » »« He could be better. » OK. Ouais. Je pensais que ça allait marcher mieux que ça. Moi, c'est 9 sur 10. Comment? It could battery be better. It could battery be better. Really battery. Be better. Je trouvais le mien bien correct. Hey. Hein? OK. Pas de seul, là? Et donc, voilà, la pièce City of Echoes. Je dis que le batteur est correct, mais je veux dire, ça obscurcit pas toute la musique. Là. Je veux dire, la musique était super intéressante quand même. Mm. Donc, voilà. Ta joke aurait pu avoir un plus gros kick. Oh! Oh! Ouais, c'est attends un peu. Je pense que c'est le moment qu'on fasse parat. Ouais! C'est snare quelque chose, là, attends un peu que je la cherche. Là. Ouais. C'est ça. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Oh boy. Donc, on écoutait quelle pièce, donc? La 2. La numéro 2. La 2. City of Echoes, pièce titre de l'album. Tout de suite. Mais il n'y a pas de parole. J'ai tout le temps pour une chronique, non. Ça... Mais c'est oui, pas non. Parce que t'as le temps pour une chronique. Comme ça. Bam, bam, bam. Ta, ta, ta. Hey, même ça, c'était pas bon. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, non, il est pas si mal. Il est pas si mal. C'est juste que, c'est ça, il manque un petit quelque chose. Ouais. Bref, voilà, donc, c'était City of Echoes de Pelican. Oui, Pelican comme l'oiseau avec une grosse gorge, là, dans un gros bec. Ouais, oui, ouais, on ouais, peut ouais, toutes les refaire, ouais. Là, comme le camion déménagement, le pédalo. Une équipe de sport, apparemment. C'est bizarre, hein, pour une équipe de sport, les Pelicans. Ouais, oui, Nouvelle-Orléans. Oui, puis mais t'as aussi le fameux l'oiseau des Fruit Loops, c'est un pélican. C'est vrai, ça? Non. Non, c'est un toucan, ça. Sam, le toucan. Ah, c'est le toucan, c'est vrai. C'est pas n'importe raison. Quoi, là. Oui, c'est vrai, ben je m'excuse tellement. Ouais. Pélican, c'est l'oiseau avec une grosse poche en dessous de la. Ouais, de c'est la ça. Grosse poche. Ouais. Mais puis dans Trouver Nemo, c'est lui qui transporte le père de Nemo, je me rappelle pas son nom, puis Doris. Il transporte dans Halo, là, c'est le vaisseau. C'est le pélican. Oui. Wow! Je m'en souviens. Regarde, on a même l'image de Nemo. Ah, hein, wow! Bref, donc, Pélican, comme je vous dis, si vous avez aimé ça, ça c'est l'album City of Echoes. Depuis, ils ont sorti deux autres albums, dont Forever Becoming, que j'ai pas eu la chance d'écouter encore, mais qui a sorti cette année et qui semble-t-il est leur meilleur album jusqu'à date. Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller écouter ça, Pélican, que ça s'appelle, ça serait bon. Non. Mais c'est dans le style que vous avez entendu. Là. Si vous n'avez pas aimé ça, vous n'avez pas accroché, vous n'aimerez pas le groupe. Si vous avez accroché, vous avez aimé ça. La batterie JP, finalement, t'en penses quoi, toi? Ouais. La batterie, 2A. 2A. Moi, je voyais ça comme une note 2A en plus. T'sais. Mais non, c'est une batterie 2A. Batterie 2A. Ouais. Ben, ouais, faudrait vraiment que je me concentre sur sa batterie. Mm-hmm. Je pense qu'on faisait des niaiseries par-dessus la chanson. Ouais. On faisait des pets de dessus de bras. Là. Ouais. J'aurais aimé être là pour voir ça. Et là, ouais, là. Fait exprès pour regarder. T'étais là, ouais, c'est ça. J'évitais le regard. T'as juste choisi d'ignorer ce qui se passait. Exact. Ah. Je t'en veux pas. C'est correct. Donc, Maxime Tanguay, c'était ta dernière chronique de l'année 2013. Hein, oui. Est-ce que tu reviens en janvier? Hein, probablement. Quand on s'en parle. On s'en parle. Super. J'essaie de parler comme un pélican. Ouais. Mais il me reste une chronique tout à l'heure au Dîner de con avec Danny Janvier. Oui, on te retrouve là, c'est toujours entre 11h et 13h. Oui, mais c'est à midi. Mais l'émission est entre 11h et 13h, puis est très bonne. Une chronique sur tes nouveautés d'iPod, là? Oui, mais là, je vais y aller avec, sans dévoiler le punch, je vais y aller avec ma première découverte de l'année que je vais faire découvrir au monde. Première découverte de l'année 2014 ou... 2013. J'ai fait cette année, là, la première découverte que j'ai faite, je vais la présenter tantôt. Tard un peu. Puis est-ce que c'est un album qui est sorti en 2013 ou c'est en 2012 oui. Puis tu as décidé de l'écouter en 2013? Non, c'est un album qui est sorti en 2013. Okay. Oui. Et j'ai découvert leur album avant aussi par la suite. Et donc j'ai c'est pas un premier album, c'est un deuxième album. C'est un deuxième album, mais j'ai dit une découverte. Ah ah. Non, ok, parfait, mais je veux des indices, moi, c'est correct. Ok. Je fais la recherche d'indices. C'est un deuxième album. Parfait. Sorti février. Tellement facile. Moi, je vais juste écouter sur l'heure du midi. Je pense que ça va être plus simple. Ouais. C'est une bonne idée, je trouve. C'est les lundis entre 11h et 13h dans le Dîner de con avec Danny Janvier. Merci, Maxime Tanguay. Hey, merci, Mathieu Plante. Merci, Jean-Philippe Charbonneau. Ben oui, merci, Maxime Tanguay. Hey, ça fait tellement plaisir. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Ah oui, on est rendu à ce temps-ci de l'année où on peut faire ce gag-là. Ouais. On se revoit dans un an. Si vous aviez vu le visage que Jean-Philippe a fait en riant. C'était beau, hein? Hey, ça ressemblait à mon chat qui miaulait pour avoir de l'eau. Là. Oh. Il est bien beau, ton chat. Ouais. Quand même. Il me rappelle souvent, toi. C'est tout pour l'émission pour aujourd'hui. On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30. Merci donc encore une fois à Maxime Tanguay ainsi qu'à Laurent Constantin pour Voyage au centre du campus. Demain à l'émission, on aura Mathieu Roy de la GEQTA, mais qui sera pas là pour parler de la GE, mais il nous a dit qu'il serait là pour autre chose. Vous nous parlez de quelque chose. Ça, demain. Il me semble que c'est à chaque semaine, vous dites ça. À chaque, littéralement, semaine et il vient jamais. Et puis je pèse mes mots. Oui. Je pèse mes mots. Nemo, tu pèses Nemo? Je pèse Nemo. Drôle. Ensuite, Alexandre Carignan qui est les fiales. Le temps de culture sera là à 9h pour sa chronique d'art et de spectacle. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, le Dîner de con, c'est pas mal tout ce qu'à retenir. Sinon, moi, je vais être là à 17h pour aller parler à Sifu édition New Shit. Les autres, cette semaine, on ne dit rien. Les précieuses sont là. Oui. On dit juste qu'on sait, les précieuses sont là. Oui. Yes. Voilà, un point. Un point dans la précieuse. Exact. Mais allez voir cifou.ca. Hein. Méfiez-vous pas là-dessus, mais allez-y quand même. Aussi assemblagerequis.com pour les balades aux diffusions de cette émission et les notes de l'émission. Ça, on s'y fie. Oui. Tout le temps. Qui s'y fie, s'y pique. Qui s'y fera, s'y pique. Qui s'y fie, qui s'y fera, s'y fie. Ouais. À demain, JP. Je t'en forme. Qui s'y fera, JP.